sommes sur un quai du vieux port de Marseille, du côté de Rive-Neuve. Un vol de mouettes familières tournoie au-dessus d'une forêt de mâts. 11 heures sonnent au clocher des accoules. Et voici le sifflet du ferry boat, ici on dit le ferry boîte, qui annonce son départ. À la terrasse des cafés, des gens sont déjà installés pour l'apéritif. Et un guitariste des rues leur chante une sérénade. Devant le bar de la marine, il y a un très grand voilier, à côté d'une balancelle, et le quai est encombré de caisses et de ballots. Le bar de la marine est un petit café assez propre, mais très ancien. Sur la terrasse, on voit quelques tables et un grand éventaire chargé de moules, de clovis et de violets. Ce sont d'étranges fruits de mer pareils à des topinambours. Derrière l'éventaire, il y a la petite Fanny. Elle est assise sur une chaise et elle lit un roman en attendant les clients. Elle est très jolie, elle a 18 ans. Elle porte une robe de cotonnade imprimée et des galoches noires. Une poissonnière passe en portant sa grande corbeille sur la hanche. Et tout à coup, des marins grimpent dans la mâture de la balancelle et le maître d'équipage crie des ordres. Alors, à travers le rideau de perles qui voile la porte du bar et qui est censé arrêter les mouches, on voit paraître le visage de Marius. C'est un beau garçon de 20 ans qui a une cigarette sur l'oreille et un petit mouchoir noué autour du cou. Il regarde longuement l'appareillage. La petite Fanny lève la tête. Elle regarde Marius qui regarde le bateau. Alors, à travers la rumeur du port, elle l'appelle. Marius ? Oh, Marius ! Oh, Fanny ! À quoi tu penses ? Vous êtes à toi. Menteur, va ! Quoi, tu crois que je pense jamais à toi ? Oh, tu penses à moi quand tu me vois ? Eh. Allez, paye-moi le café. Profitons que vous payez au Ils entrent dans le bar. César, le propriétaire, dort sur la banquette de Moleskine. Il porte le grand tablier bleu serré à la ceinture et sa casquette est sur une table. Marius prépare 2 tasses. Dis Marius. Oh. Pourquoi tu n'es pas venu danser hier au soir? Où ça? À la cascade. On danse tout le dimanche. Tu vas toi à la cascade? Oui. Il y a des gens très bien. Qui ça? André, Monsieur Bouzic, Victor. Je dansais toute la soirée avec Victor. Est-ce qu'il est aussi bête quand il danse que quand il marche? Que tu es méchant. Mais pourquoi tu viens pas là-bas? Oh, je sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. J'y tiens pas. Et où tu es allé? Moi, j'allais me promener. Respirer l'air du soir sur la jetée. Tout seul? Oui, mais j'ai rencontré M. Boin. Ah, il est revenu? Hier matin. Et qu'est-ce qu'il était allé faire à Paris? Eh, dis, t'as essayé des cours dans une école de douane, quand il est parti, il était commis, et maintenant ils ont nommé vérificateur. Oh, ils gagnent beaucoup, les vérificateurs. Monsieur Boy, rien que pour faire blanchir l'école, il lui en faut, rappelle-toi, hein. Et voilà Saigon. Comment le sais-tu? C'est le sifflet des Yara. Il écoute pensif la sirène de vapeur. César s'éveille. Il les regarde boire le café. Tout à coup, le percolateur siffle à son tour. Vous voyez ? Ça siffle. C'est le Yara. Imbécile, c'est le percolateur. C'est toi qui offre le café ? Oui. Bon. Je viens de le faire. Tu en veux une tasse ? Non. Pourquoi ? Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients. Hein. Vous n'allez pas pleurer, il faut une tasse de café. C'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelle manière? De boire le magasin pendant que je dors. Si tu as voulu me faire un affront, tu iras ici. Un affront? Quel affront? Si à mon âge, je ne peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi? Un enfant. Un enfant qui doit obéir à son père. À son âge? Oui, ma belle. Moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied au derrière. Voilà ce que c'était que la famille de mon temps. On avait du respect et de la tendresse. À coup de pied, hein? Envoyez-moi une d'ingrat de révolté. Oh, dis-moi, si ma mère me donnait une gifle, je ne sais pas ce que je ferais. Eh bien, tirez plus rien dans un coin, voilà tout. Et si ton pauvre père vivait encore pour te donner de temps en temps une paire de calottes, ça te ferait pas de mal à toi. Oh, tu peux rire, tu es dans des enfants pour qu'ils vous empoisonnent l'existence. Je lui empoisonne l'existence, et maintenant, dis, je te fais la moitié du tort, hein? Oh, ben parlons-en de ton tort. Il est joli, c'est quand on a besoin de toi que tu n'es jamais là, alors. Moi, je suis toute la journée au comptoir. C'est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût. Tu es triste, tu es pâle. On dirait un anti-alcoolique. Je suis peut-être un neurasthénique. Toi? Et alors? Où tu l'auras attrapé, ça? Eh, ça vient comme ça, hein? Ouais, ben ça va, n'essaye pas de monter le coup à ton père, hein? Oui, et toi, maman, t'es collé sur les devants, tu sais pas le candela, là? La vérité, c'est que tu es mou et pincheur. Mou et pincheur, tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un ravasseur. Et tu connais pas ton métier. Je le connais pas. Non, tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu sais pas encore doser un vermoutassi ou un mandarin citron. Quant au piquant citron curaçao de la maison, ça n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Couvourde est venu et il s'est plaint à moi. Il prend les bouteilles et fait une démonstration sur un ton plutôt scientifique. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait quatre tiers, hein? Et alors? Eh bien, ne devait rien que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Mais c'est de l'arithmétique, ça. Oui. Mais ne cherche pas l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Et la goutte sur le goulot de la bouteille, c'est de l'arithmétique, ça aussi? Quelle goutte? C'est pourtant pas dit la goutte que tu laisses couler tout le temps sur le goulot, je te dis, c'est pourtant pas difficile. Coquin de sortir, regarde, tu verses comme ça, en faisant un quart de tour. Hop! Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Seulement toi, monsieur Marius, tu fais ça en amateur. Alors évidemment, la goutte coule sur l'étiquette. Oui. Et voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. T'es rire, ça, t'as? T'es aussi rire. Je ris de ma patience, ouais, de ma patience. Ouais. Au bord du quai, le vieux Picoiseau est assis sur des sacs et il rêve. Il porte un vieux béret à pompons et sur son tricot de marin brillent une dizaine de décorations découpées dans du fer blanc. À son épaule est suspendu un morceau de tuyau qui représente pour lui une lunette marine. C'est le fada du vieux port. Il se lève soudain et s'avance vers la terrasse du bar où vient de s'asseoir le capitaine Escartefig qui commande le ferry-boîte. Demain matin à 9h, tout le monde en blanc sur le pont. Gouvernement. Quartier maître Picoiseau. Au nom du gouvernement de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Dis, Picoiseau, ça te prend souvent, ça? Il y a un traître à bord. Oh. Amiral Escartefig, je vous casse. Vous restez au fer jusqu'à Manille. Amiral Escartefig est dégradé. Amiral Escartefig est dégradé. L'amiral Escartefig est dégradé. Cependant, un garçon graissé comme un presse-étoupe arrive au galop. C'est le chauffeur du ferry-boîte. Capitaine! Capitaine! Nous partons pas! Il y a du monde? Pas sur ce quai, mais d'autre côté, il y en a deux qui prennent des signaux. Oh, c'est peut-être des Napolitains qui se parlent, hein. Et non, ils prennent des gestes de passagers. Oui? Eh ben alors, j'irai voir ça tout à l'heure. Bien, capitaine! Dis, en attendant, fais monter la pression et donne-y quelques coups de sifflet, ça leur fera prendre patience. Bien, capitaine! Et rien que trois coups de sifflet! Autrement, tu me manges tout à la vapeur! Bien, capitaine! Et fais attention de pas trop ouvrir le sifflet! Bien, capitaine! Il se tourne vers Marius, qui vient de sortir du bar. Parce qu'après, on peut plus le fermer, alors? Et alors, il y a plus de gens qui ont besoin de traverser le pont, dites? C'est le pont transbordeur qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau était trop petit. Et maintenant, ils vont tous au transbordeur. Ah, c'est plus moderne que le ferry-boîte. Et puis, ils n'ont pas le mal de mer. Vous en avez vu, vous, des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour une traversée de 100 mètres? Que 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Ah ouais. Oh, me dis, je connais bien le voyage. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres? Quels autres? Les autres bateaux, c'est ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers. Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose? Parce qu'ils vont loin. Oui. Et d'autres fois, ils vont profond. Et le soir, quand vous partez pour la dernière traversée, qui a toutes ces lumières sur l'eau, hein, il vous est jamais venu l'envie, quelle envie? De tourner la barre tout à coup et de mettre le cap sur la haute mer. Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marieux. Oh que non, je vous ai bien deviné, hein. Qu'est-ce que tu as deviné? Que vous souffrez de ne pas sortir du vieux port. Moi, je souffre? Oui, vous, vous. Et quand vous voulez prendre l'apéritif ici, des fois, à M. Philippot, M. Cadrousse, qui revient du Brésil ou de Madagascar, et qui vous parle de là-bas, hein? Mais je le vois bien que ça vous fait quelque chose. Ça me fait plaisir de les voir revenus de si loin. Pas plus? Pas plus. Écoute, Marius, je suis fier d'être marin et capitaine, maître à bord, après Dieu. Et je suis content que le drapeau français flotte sur ces populations lointaines. Mais y aller, et en bateau, merci bien. Je suis trop heureux ici. Je l'aurais pas cru, moi. C'est, il m'appelle, ouais. Ça y fait de la peine de faire attendre le passager. Brave petit. Ah, allons-y. Adieu, vat. Et voici M. Brun qui s'avance sous ce joli Panama vers la terrasse du bar. Il y rencontre César, Marius et Panis, qui est un riche fabricant de voiles. Et alors, M. Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, hein? Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Chaque soir, je l'ai fané sur les boulevards. Non, dites, vous avez dû rencontrer Landolfi. Qui est-ce Landolfi? C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui porpelèges, vous savez. Oh, là, si on m'a accompagné. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Non. Mais vous êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous avez pas vu Landolfi? Et non. Alors, il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand, oui. Mmh. Ah si, c'était grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. Hmm? J'ai vu au moins 40 canebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après un miracle, c'est nous les Marseillais qui les agérons. Oui. Quelle mentalité, mon Dieu. 40 canebières. Oui, oui. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, cooking des soirs, milieu de nuit. Comme pris de panique, il entre en courant dans le bar et monte dans sa chambre. Ah, mais où est-il? Il va s'habiller, dit, c'est lundi aujourd'hui. Hein? Mais qu'y a-t-il de particulier le lundi? Vous savez pas, monsieur Brun? Eh non. Le lundi à midi et demi, t'entends? Mon père, il va déjeuner avec ses amours. Ah oui, une italienne, tout ce qu'il y a de beau. Une femme comme ça, hein? Mais non, maintenant c'est changé, dit. Il a découvert une hollandaise, elle est au moins le double. Quand il va la voir, il cherche des prétextes, là. Il me donne des explications pendant moins de 10 minutes. Ah ben pourtant, c'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf? Oh, malheureux! En passe-moi là devant moi, monsieur Breuil. Pourquoi? Comment? Vous l'avez pas su, mon malheur? Quel malheur? Panis lamentable montre un papillon de crêpe noire cousu au bras de sa chemise. Quoi? Madame Panis? Oui, monsieur Breuil. Il y aura 3 mois demain. Ah! Le vendredi, elle avait encore mangé un aioli du tonnerre de Dieu avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite, quelle catastrophe! Ah oui! Vous me direz ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une si brave femme, si dévouée, si travailleuse, qui faisait marcher les ouvrières comme pas une. Il n'y avait que ça, dans l'intimité, elle était gaie, rieuse. Il lui fallait tout le temps des taquineries et des jeux. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes, je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se venger, elle me faisait des chatouilles. Ne remets pas vos souvenirs, Panis, ça vous fait du mal. Oh oui, n'attends pas ce que tout ça ne reviendra plus. que je passe mes nuits à pleurer. Voyons, monsieur Breuil, est-ce que cela peut durer? Que faire? Ah, je le sais bien, allez. Ma résolution est prise. Allons, allons, mon vieux, soyez viril, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je ne suis pas capable de supporter un pareil calvaire. Attendez encore un peu, vous verrez. Non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous marier? Mais le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte. Ce n'est pas en maigrissant que je pourrai la ressusciter, pas vrai? Bien sûr. Il y en aura peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Oh. Mais j'ai la conscience tranquille. Parce que moi, en 4 mois, je l'ai pleuré bien plus que d'autres en 5 ans. Mais... des larmes comme ça, monsieur Breuil. Et des cris terribles. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Ah, pour Fanny, tu vois. Oh oui, je suis bien à plaine. À la vôtre, monsieur Breuil. Ils boivent avec plaisir le vin blanc de Cassis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne serais pas étonné si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Oh oui, naturellement. Et je vais présenter ma demande aujourd'hui. Qui est? Ah non, je ne vais pas vous obliger. Non, monsieur, moi, je ne veux pas. Mais je vous retiens pour l'annonce, ok? Je vous redis surtout pour tous les invités. Il y aura tous les prud'hommes, tous mes clients, tous mes amis. Il n'y manquera qu'une seule personne. Mais elle y manquera bien, allez. Ma pauvre Félicité, peu chère. Elle qui met tant les fêtes. Mais quoi, le bon Dieu ne l'a pas voulu? Que faire? Elle nous verra de là-haut, ou elle est sûrement plus heureuse que nous, allez. Hé! Panis! Il se lève et va répondre à la terrasse. Ouais! Le second de la Malaisie est au magasin! J'y vais! Oh, coquin de sort, c'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Il revient se rasseoir. Ils sont déjà venus hier pour un jeu complet de voile de rechange. Un gros bateau? Ah oui, c'est la Malaisie. Le 3 mâts qui part en mission. Dans l'idée d'aller en mission sur un voilier. Et pardon, ils partent pour étudier les vents et les courants depuis Suède jusqu'en Océanie. Puis c'est un voilier qui a une machine de secours, n'oubliez pas. Papa Nice, tu te dépêches? Oui! Sauvage! Et donne-moi le temps d'arriver. Tu veux tout de même pas que je me fasse mourir? Vous finirez tout de même par y aller, hein? Que voulez-vous? Quand on n'est pas rentier, le travail, c'est le travail. Il sort. En traversant la terrasse, il s'approche de Fanny, qui arrose ses coquillages avec de l'eau de mer. Alors, Fanny, c'est entendu? Et quoi? Je peux demander ta main à ta mère? Tout le monde a le droit de demander une fille. Oui, mais enfin, toi, ça ne te paraît pas extravagant? C'est à ma mère de vous répondre. Exquise pudeur d'une vraie jeune fille. Un officier de marine s'avance vers lui. Oh, chef! Oh, j'arrive! Je vole, me voilà! Il s'éloigne. Dans le bar, Marius et Monsieur Brun écoutent les pas de César qui descend l'escalier de bois. Mais Monsieur Brun, faites semblant de rien savoir, hein? Monsieur Brun fait semblant de lire un journal. Marius essuie une table, César paraît. Il est en dimanche, la canne à la main, sous un très joli panama. Voilà. Je saurai. Je vais faire un petit tour en ville. Quelques courses sans importance. Voilà. Vous serez peut-être une pointe jusqu'au café Mosteil, et je mangerai un peu de poisson. Une bistec avec quelques pommes frites. Enfin, je sors. Mais, au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Des explications? Et je ne donne pas d'explications, monsieur. Ça serait malheureux si à mon âge, il fallait que je donne des explications parce que je sors. Je dis simplement que je vais au café Mosteil et manger une soupe de poisson. C'est pas une explication, c'est un renseignement, voilà. C'est-à-dire que si on a besoin de vous, on n'aura qu'à aller vous demander au café de monsieur Mosteil. Non, monsieur, on n'a pas besoin de venir me demander au café de monsieur Mosteil. Non. Pourquoi on vient me demander au café de monsieur Mosteil? Vous avez quelque chose à me dire? Dites-le-moi tout de suite. Alors, mais je dis rien, monsieur, c'est vous qui dites. Moi, je dis que je n'ai rien à dire. Voilà, que si ça me fait plaisir de sortir, je n'ai pas besoin de demander la permission à un Lyonnais. Puis voilà. Qui vous dit le contraire? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette inquisition? Le nom de Dieu, tout de même. Si j'avais 86 ans, je comprenais qu'on s'occupe de moi, qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais enfin, j'ai encore la tête à moi. On peut me laisser sortir seul. Je ne tomberai pas dans le port. Personne ne te dit rien, tu as envie de faire une petite promenade, c'est naturel. Voilà le mot, c'est naturel. Mon fils l'a dit, c'est naturel. C'est mon fils qui l'a dit le mot, c'est naturel. je sors naturellement. Mais c'est toujours ceux qui n'ont rien à dire qui se mettent au milieu des choses qui ne regardent pas. Eh bien, ça, c'est la suspicion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que c'est la suspicion, là. Et moi, je veux pas être suspecté par un Lyonnais. Il s'arrête sur le seuil et se retourne vers Marius. Ah, je sors. Dis donc, si la voiture ne pique en face, tu prendras 12 bouteilles. Pas 240 francs. Je te rappelle, hein? 12 bouteilles, je veux te le rappeler, hein? Non, il n'y a pas besoin de me dire 20 fois les choses d'ici. La voiture ne pique en face, je prendrai 240 bouteilles. Oh, sainte-lire. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour m'en donner un enfant idiot comme ça? Mais c'est pas possible, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si la voiture ne pique en face, tu prendras 12 bouteilles. Si là, tu prendras rien, je téléphonerai. Mon pauvre enfant. Qu'est ton pauvre enfant, dit? Quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur Watson. Nous passons maintenant à la poissonnerie de Marseille, où Honorine, la mère de Fanny, vend ses rascasses, ses roucaous et ses fialas. Pour le moment, au milieu des cris des poissonnières, est en grande conversation avec Maître Panisse. Écoutez, Panisse, parlons peu, mais parlons bien. Ouais. Vous avez réfléchi à la chose. Eh oui, j'ai réfléchi. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Eh oui, mais ce n'est pas de ma faute. Mais elle aura tout ce qu'elle voudra, de l'argent, des robes, des bijoux, alors. Oui, je sais que vous êtes un brave homme. Mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Et quel principal? Je me comprends. Allez, allez, Lorine, parlez pas de ce que vous ignorez, hein? Je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mais c'est bien mon avis. Mais vaut mieux avoir 20 ans. Eh bien, la petite, elle a 20 ans. Mais vous en avez 50? Oui, mais j'ai 600 000 francs. Ah, mon pauvre Panisse, les chemises de nuit n'ont pas de poche. Si je vous parle, moi, c'est dans votre intérêt. Ouais. Il est certain que pour ma petite, c'est un beau parti. Eh bien. Mais quand je pense à ça, et que je vous regarde, je vous vois une paire de cornes qui va trouer le plafond. Eh ben, vous vous trompez, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Le reste, je m'en charge. Nous revenons au bar, où Fanny fait des confidences à Marius. Je crois que je vais me marier. Avec qui? Personne ne le sait encore. Mais à toi, je vais te le dire, parce que tu vas me donner un conseil. Avec qui? Tu m'as demandé à ma mère. Qui? Je ne sais pas si je sais bien de te le dire. Eh bien, si tu veux pas le dire, garde-toi le alors. Oh, tu le sauras bientôt, va. Je sais déjà, c'est le petit Viton. Il y a assez longtemps que ça se compose. Tu l'as compris, toi. Oh, dis, tout le monde l'a vu. Il venait de parler ici tous les soirs sous prétexte de manger les coquillages. Il en a tant mangé qu'il a failli mourir de l'orticaire. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est un imbécile. Ouais. Et puis si tu comptes sur le magasin, le père est encore mort, tu sais. Mais je n'entends pas la mort de personne. Et je me moque pas mal de Viton. Alors qui c'est? Panisse. Panisse? Le père Panisse? Monsieur Panisse. Oh, oh, oh, ben... Tu me crois pas? Non, je te crois pas. Alors tu ne veux pas me donner un conseil? Eh oui, je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de trouver une histoire moins bête que celle-là. Un homme qui a les yeux plissés comme les côtés d'un soufflé, hein? Il remonte furieux à son comptoir et ne dit plus rien. Fanny, charmée par ce dépit, retourne à son inventaire. Et voici que paraît Maître Panisse qui revient de la poissonnerie. Eh bien, ma jolie, tu te reposes? Eh, je prends un peu le frais à comment les clients. Oh, tu as bien raison. Le soleil est le dieu du jour. Mais cachez-lui ce frais visage, car il pourrait brûler dans son ardeur sauvage les douces rentes de la paix. Bravo, Panisse, c'est envoyé ça, vous savez. C'est vous qui les avez fait? Je te dirais oui si j'étais menteur. Et si je n'étais pas certain que tu les verras sur un pot de pommade dans la vitrine du bureau de tabac qui fait le coin de la rue Victor Gelu. D'ailleurs, le plus grand mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Ils entrent dans le bar. Marius, dans un instant. Il a une pour moi. Et pour qui serait-elle? Viens t'asseoir un peu ici, hein? Viens. Il conduit Fanny à la table la plus éloignée du comptoir. Nous avons parlé avec ta mère. Elle est en train de regarder ma comptabilité et je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. Vous êtes pas demandé quelques jours. Oh, tu as bien fait. Oh, il n'est pas mauvais de faire attendre une réponse. Ton oui me fera plus de plaisir encore. Marius paraît énervé. Il prépare les anisettes et s'approche de leur table. Dites, Fanny, combien c'est vous en avez d'ouvrières? 23. Marius, sans regarder ce qu'il fait, verse nerveusement l'anisette. Hé, hey, petit, combien peut les verres? S'il vous plaît. Menteur! Menteur, vous dites? Mais fais donc attention, voyons, tu verses tout à côté. Il est un peu fatigué aujourd'hui. Oh, ce ne sont pas des manières. Il boit à la soucoupe la liqueur qui a débordé du verre et sort une cigarette de son étui. Oh, qu'aucun ne sache, j'ai oublié mes allumettes. Attendez, Panis. Fanny prend une allumette sur la table et allume gracieusement la cigarette de Panis. C'est gentil ce que tu viens de faire. Une allumette tenue par une aussi jolie main. Oh, Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Oh, elles sont petites comme tout. Elles sont fines. Elles sont chaudes. Marius, qui essuie nerveusement les tables, se rapproche pour écouter la conversation. Oh, et tu as une bien jolie bague. Elle vous plaît? Ah oui, elle fait très bien. Elle est en or. Je sais pas. Je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Alors, elle est en cuivre, hein? Tant pis. Tu n'as jamais eu de bague en or? Non. Mais ton collier, il est en or. Oh, mon collier, oui. C'est ma tante Zoé qui me l'a donné pour ma communion. Ah, il est joli. Il est bien joli. Sous prétexte de regarder le collier, il se penche sur son corsage. Il y a une médaille au bout. Mais attendez, je vais vous la sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah, c'est ma date de naissance. Fanny, ta mère te crie. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, qu'elle avait soif, allez. Oh, c'est des rêves. Ouais, en tout cas, si elle a besoin de toi, elle sait où tu es. Hein? Ah, parlons un peu sérieusement. Avec ta mère, nous avons discuté des chiffres. Elle est venue chez moi. C'est moi qui vous empêche de causer? Non. Vous parlez bas et quand je m'approche, vous taisez. Eh, c'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire. Oui, mais quand on ne veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. De saletés? Me dit grossier. Marius, fais un peu attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Ben, tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. J'aime pas qu'on me regarde d'un air sur deux airs. Moi, je te regarde d'un air sur deux airs. C'est bien fou, mon pauvre Marius. Un pauvre fou. Faites attention, il y a des fous dangereux. J'en connais un que la main lui démange de vous envoyer un pastichon. Marius! À moi, un pastichon? Pauvre petit. Allez, sortez un peu dans la banquette. Arrangez si vous êtes un homme. Monsieur Topoché, le nez, il va sortir du nez. Le nez, bah, tenez, le voilà, mon nez, le voilà. Vous avez peur, hein? Marius, fais bien attention. Tu ne me connais pas. Faites-vous connaître, c'est le moment. Malheureux. Panis se lève furieux. Malheureux? C'est à moi que tu dis malheureux? Panis! Laisse! C'est une affaire en drôme. Tiens-moi le chapeau. Il confie son chapeau à Fanny, puis il avance sur Marius presque nez contre nez, la figure convulsée par une véritable férocité. Donne-le un pâton pâtisson. Vous me le pressez le nez? Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Oui, tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Vous faites beaucoup de menaces, vous ne voulez rien d'autre. Oh, si je ne me retenais pas. Vous n'aviez pas les cheveux gris, là. Tu veux peut-être que je les arrache pour te faire plaisir? Oh, Panis! Panis, immobile, son nez contre celui de Marius, répond. Ouais! Je suis occupé! Enfin, il quitte sa pose menaçante, remonte sa ceinture à deux mains et fait un pas en arrière. Tu as de la chance. Fanny, je te quitte, puisque mes affaires l'exigent. Est-ce que tu me feras le plaisir de venir goûter chez moi tout à l'heure? Mais pourquoi pas ici? Parce que je refuserai désormais de mettre le pied dans une maison où les gens ne savent pas se tenir à la place. Vous avez beau prendre l'accent parisien, ça m'impressionne pas, moi, vous savez. Alors, à tout à l'heure. Je t'attends là-bas. Hein? Deux anisettes à 2 francs 25 font 4 francs 50. Tenez! Voilà 5 francs. Gardez tout, garçon. Il sort. Oh, Marius, tu n'es pas gentil de faire tant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. C'est honteux ce que tu viens de faire avec ce pauvre vieux. Quel pauvre vieux? Tu vois pas que tu risques de le tuer, non? Du temps qu'il regardait dans ton corsage, il suait, il soufflait, il était rouge comme un gratte-cul. C'était bien plus rouge que lui. Ah! Déjà soutien-gorge? Et puis ça te regarde pas. Eh bien, tu as raison. J'ai tort de m'en mêler. J'ai d'autres soucis en tête. Heureusement. Seulement, ce qui me fait peine, c'est c'est de voir que tu es en train de devenir comme ta tante Zoé, voilà. Alors j'ai pas le droit de me marier? Allez, Fanny, c'est pas possible. Tu as pas pensé à tout. Mais comment à tout? Tu sais bien que quand on se marie, il suffit pas d'aller à la mairie, à l'église. On commence par là. Et après? Après? Il y aura un grand dîner chez Basso. Mais après, quand tu seras seule avec lui? Ah, je verrai bien. Il faudra que tu te laisses embrasser. Tant pis. Mais il t'embrassera sur l'épaule. Et puis sur la bouche. Tais-toi, Marius. Ne parle pas de ces choses. Eh si, il faut en parler maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Il va te serrer dans ses bras, ce dégoûtant, ce voyou. Dans un grand élan d'indignation, il court à la terrasse et crie vers le magasin de Panis. Oh, salut! Ouais, ouais, je sais bien pourquoi tu ris, va, mais ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu ris parce que tu crois que je suis jaloux. Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux. Eh bien, justement, et je ne le suis pas. Mais voilà! Il suffit pas d'avoir joué aux cachettes 3 ou 4 fois pour être amoureux. Je suis au Marius. Oh, mais évidemment. Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer joli comme tu es, ça aurait pas été difficile. Seulement, j'ai pas voulu. Piquoiseau vient de paraître sur la terrasse. Sans entrer, il appelle. Allez! Marius, en grande hâte, quitte son tablier. Fanny, peux-tu garder le bar quelques minutes? Mais s'il vient des clients! Je suis de retour dans 20 minutes! Il s'enfuit avec Piquoiseau. Ils vont dans un bar de marins qui chante des chœurs. Un vieux quartier maître parle à Marius, qui est assis près de Piquoiseau. Marius lui donne ses papiers. Nous sommes maintenant chez Fanny, et sa mère lui parle. Travaille, tout ça, c'est des histoires. Qu'est-ce que tu as? Écoute, Fanny, il faut que je parte par le train ce soir, hein? Avant de partir, il faut que tu me le dises. Mais ne t'inquiète pas, maman, je t'assure, je n'ai rien. Naturellement, c'est pour ce petit Marius de 4 sous. Il y a longtemps que je le vois venir avec ses beaux souliers et son mégot. Tu l'aimes? Mon Dieu, que c'est bête, ces petites filles. Et dire que Maître Panis te demande. Un homme si bien, aimable, d'un caractère charmant et si riche. Et tu viens pleurer pour un petit monsieur qui reste les verres des autres? Allons, vaille. Petite courge, ne pleure pas. Puisque tu le veux, tu l'auras. Il ne me veut pas. Il ne te veut pas? Il ne veut pas m'épouser. Il te l'a dit? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Mais tu y en as parlé? Nous revenons au bar de César qui appelle le chauffeur du ferry-boîte. Bibi, va dire à Fanny si que je l'attends pour boire une bouteille de mousseline. Oh, mais c'est loin. Et non, c'est pas loin, il y a 15 mètres, alors, vas-y, va. Et si j'y vais, qu'est-ce que vous me donnez? Je te donne un bon chiculon de mousseline, mais cours, allez! Ça va, j'y vais. Le chauffeur, au lieu d'aller chercher Maître Panis, se borne à sortir sur la terrasse. Il met ses mains à porte-voix et hurle. Oh, Panis! Monsieur César, vous n'êtes pas pour boire un champagne! Et tu es fou, mon imbécile, de crier ça, tu vas faire venir tous les ivrognes du quartier! Alors! C'est là qui vient! Oui. Panis entre dans le bar. Il marche avec une certaine solennité, mais assez difficilement. Oh, Panis! Tu te seras en ta famille de fille, viens. Oh, bois une bouteille de mousseur. Puisque tu m'invites, je viens. Oh. Il serait mal poli de ma part de te refuser un verre de mousseur. Je comprends. Mais j'avais juré de ne plus mettre les pieds chez toi. Et c'est une promesse que je tiendrai. Pourquoi tu ne veux plus mettre les pieds chez moi? Parce que ton fils est un gracier. Mon fils est un grassier. Ouais, un véritable grassier. Alors, que je le rencontre, ce sera un coup de pied dans le derrière. Ah, tu peux remarquer que je ne porte plus les espadrilles. Aujourd'hui, j'ai mis les souliers. Et c'est à moi que tu viens de dire ça? Oui, c'est à toi. Eh bien, essaye de le toucher, Marius. Je t'en flanque un, moi, de coups de pied dans le derrière. Que je te fais claquer les dents. C'est à voir. Toi, si jamais tu touches Marius, panisse ta... Ouais, tu te réveilles demain matin à l'hôpital. Oh, César, tu ne me fais pas peur! Si jamais tu frôles un des cheveux de la tête de Marius, c'est pas à l'hôpital que tu te réveilles, c'est demain matin au cimetière. Oh, tu sais, j'en ai assommé de plus grand que toi! Sainte Vierge, c'est un meurtre, mais c'est toi qui l'auras voulu. Adieu, Panis! Adieu, César! Pendant que César étrangle Panis, Le bouchon du monsieur saute avec une détonation de revolver. Le bouchon! Le bouchon! César remplit à la hâte deux verres. Ils boivent aussitôt. Oh malheureux, dit. Il est pas frais. C'est vrai, il n'est pas assez frais. Ouais. Mais quand même, il n'est pas mauvais, tu sais. Non, mais je vais en mettre une bouteille dans le puits pour demain matin. C'est ça. Dis, Panisse, si tu rencontres Marius, il ne donne pas ce coup de pied. Oh, hein? Mais non. Tu sais bien que je n'en aurais pas. Mais non, non. Ce que j'en disais, c'était question d'amour propre. Oh. À la tienne, ça. À la tienne, ma vieille. Les deux vieux amis se regardent en souriant. Mais qu'est-ce qui t'a fait, le petit? Il m'a provoqué. Non. Il m'a reproché d'avoir les cheveux un peu gris, comme si c'était de ma faute, hein? Oh, c'est bête, ça. Seulement toi, tu y avais fait quelque chose. Ah, non, rien du tout. Allez, Panisse, alors là, si tu lui avais pas cherché dispute, il se serait tenu tranquille. Mais pourquoi je lui aurais cherché dispute? Rien, moi. Mais je me connais, César. J'ai appris à me méfier de mon caractère. C'est pour ça que je ne suis pas homme à commencer une querelle qui peut finir par un massacre. Non, je t'affirme que je ne lui disais rien. Absolument rien. Je ne le regardais même pas. Et il s'est jeté sur moi. Oh, c'est un peu fort. Il a fait un geste comme pour m'étrangler. Ah, si ce n'est étrangler la clientèle, à présent, où allons-nous alors? Il n'y a pas à dire à cet enfant quelque chose. Et quoi? Je ne sais pas, moi, tu n'as remarqué, toi? J'ai remarqué qu'il a voulu m'étrangler. Ouais, monsieur, ça n'a pas d'importance, ah. Ça. Non, non, mais à part ça, tu ne sais pas s'il a une maîtresse en ville. Ah non, non, non, je ne sais pas. Non. Mais moi, je sens une femme là-dessous. Il n'y a que l'amour qui puisse rendre un homme aussi bête, tu vois. Tu ne crois pas, par exemple, qu'il soit amoureux de la petite Fanny, hein? De Fanny? Oui. Oh non. Je connais depuis trop longtemps. Ah non, je te dis ça, moi, parce qu'au moment où il s'est rué sur moi, j'étais là et assis près de Fanny. Mais je vois pas le rapport. Ben, il a eu peut-être dans l'idée que je lui faisais la cour. Toi? Oui. Alors, Marius, il est fou, mais pas au point d'être jaloux d'un homme de ton âge. Et qui sait? Arrête-toi, ne te pas regarder. Non, et puis, écoute, il ne s'agit pas de femme. Il y a une femme en ville qui le fait souffrir. Et j'ai peur que ça soit Madame Escarpefille. Oh, elle en a rendu heureux plus de 50. Elle ne pourrait pas s'offrir le fils d'un ami. Mais qui alors? Mais tu devrais interroger Marius. On sait bien ce que je vais faire. Jusqu'à présent, j'ai pas osé. Marius, bien qu'il ait 23 ans, je lui flanquerai encore une paire de calottes s'il le fallait. Puis je le raterai pas, tu sais. Ouais. J'ose pas lui parler de femme. Oh, un sentiment bien drôle, la pudeur. Quelle pudeur? Et la pudeur paternelle. Tu as des sentiments bien distingués. Mais si tu étais père, tu serais aussi distingué que moi, espèce de paysan. Ouais. Panisse prend son pied gauche à deux mains et danse. Oula! Oui! Oula! Ouh, c'est la pointe qui presse mon oignon, là. Je crois que je ferais mieux de les quitter, tu sais. Oh, fais voir. Mais ils sont jolis, ces souliers, dis donc. Ah, oui. C'est des souliers torpilleux que tu as mis, là. C'est ceux de mon mariage. Non, tu les as conservés dans la naphtaline, c'est pas possible. Oh, là, lui, ils sont tendus, on dirait qu'ils vont éclater. Oui. Peut-être que tu as fait pour les enlever. Oh, tu sais, avec une paire de ciseaux, on peut toujours. Hein. Oh. Alors, sans qu'une, qu'est-ce que c'est ça, hein? Sans qu'une. Et pour ton fils, ne fais pas dans le restaurant. Ça lui passera. Adieu, Fanny. Adieu. Il sort. En passant sur le quai, il voit Marius qui semble attendre devant la Malaisie. Le quartier maître paraît à l'arrière du bateau et l'appelle. Montez à bord. Il est maintenant 10h du soir. César rince des verres à son comptoir tout en faisant la conversation avec Honorine, qui est en grande toilette, parce qu'elle va partir pour Aix comme tous les mercredis, et elle est assise devant un mandarin citron. Enfin bref, Fanny se veut la petite. Pourquoi faire? Ben pour l'épouser. Fanny se veut épouser Fanny? Il me l'a demandé ce matin. Non, mais il est fanat ce pauvre vieux. C'est ce que j'y ai dit, mais il veut une réponse pour demain. Ben la petite, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Ah, elle dira oui, si elle ne peut pas avoir celui qu'elle veut. C'est que le veut. Bien, mais c'est Marius que le veut. Tout juste. Oh, je comprends le carnage de hier. Quoi? Marius ne veut pas qu'elle prenne Panisse. Oui, ma fille. Lui, il lui a dit qu'il aimait. Pareil qu'il a fait comprendre. Il a massé. Et non. Mais il a fait comprendre, voilà ce qu'elle m'a dit. Comment il a fait comprendre sans l'embrasser? C'est bizarre, ça, tout de même. Enfin, quoi, ils se veulent tous les deux. Marius lui a dit qu'il pouvait pas l'épouser. Il veut pas y dire. La petite, il a presque demandé sa main, ce beau monsieur. Il ne répond pas. Et me l'a fait pleurer sans vouloir dire pourquoi. Enfin, voyons, César, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Et qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit mastroquet? Une princesse? Oh, que princesse! Vous passez pas, là, là. Ah, qu'est-ce qu'il voulait prendre la pointe? Il n'aime pas, hein? Et puisqu'il ne l'aime pas, pourquoi est-il jaloux de Panisse? Enfin, tout ça, c'est pas grave, ça va pouvoir s'arranger. Allez. Ouais, ben dépêchez-vous de l'arranger. Parce que si ma petite continue à pleurer comme ça la nuit, moi, j'en peux le faire votre baratte. Calmez-vous, Narine, madame, calmez-vous. Asseyez-vous. Marius la veut pas, on va l'attendre ici, Marius, on lui demandera pourquoi. Ah non, pas devant moi. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il sache que je suis venue. Ouais. Ah, c'est que je connais les hommes, moi. S'il sait que c'est ma petite qui y a demandé sa main, elle ne pourra plus faire une observation parce qu'elle lui dira « Eh, c'est toi qui m'as demandé un mariage, ok? C'est ta mère qui est venue dire que tu pleurais, etc., etc. » Il finira par la mépriser et ils seront très malheureux. Bon, ça, bien, je dirai rien seulement, il ne faudra pas que la petite lui parle de Fanny, alors. Pourquoi? Parce que vous connaissez les hommes, moi je connais les femmes, vous savez, quand ils seront mariés, à la première discussion, elle lui dira « Et dis-moi qu'à cause de toi, je ne refaisais pas 10, alors qu'il y avait les 100 000 femmes, et maintenant je serai riche, et j'aurai l'automobile, et j'aurai la bonne, et j'aurai le bateau, etc., etc., etc. » Et elle le fera mourir, là, à coup de panisse. Je connais le refrain, allez, je le connais le refrain. Ma pauvre femme, c'est un machin de bestiaux qui l'avait demandé. Et elle m'en a parlé pendant 20 ans, vous entendez? 20 ans, elle m'en a parlé. Et pourtant, c'était une femme comme on n'en verra jamais plus. Eh ben, écoutez, n'y dites rien. Et je vous promets qu'elle ne parlera jamais de panisse. Bon. On trinque? Alors, pour César. Alors, l'idée de ce mariage vous plaît à vous? C'est pas moi. Si je te faisais ce mariage, qu'est-ce que vous lui donneriez, moi, la petite? J'y donnerais l'inventaire de coquillages. On peut s'en tenir par une bonne commise. Ça peut rapporter 40 francs par jour. De bénéfices, n'est-ce? Oh, c'est pas beaucoup, alors. Il y en a qui seraient bien contents de la prendre sans rien. Mais dites, nous sommes pas chez les nègres ici. Et puis elle n'est pas bossue, ma petite, pour que j'y achète un mari. Mais si votre petite n'est pas bossue, mon fils, il n'est pas boiteux, moi. Et vous pouvez chercher sur le port, vous en trouverez des plus grands et des plus gros. Mais des plus beaux, il n'y en a pas. vous pouvez rire, vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voudrez. Moi, je vous dis que des plus beaux, il n'y en a pas. Et madame Marine, moi, je vous dis ça impartialement, hein. C'est pas parce que c'est mon enfant, mais mon enfant, c'est un beau petit. Il est beau. T'es où m'agacer, ça, viens. Ah. Alors, parce que votre fils est beau, il faut qu'il épouse la fille de Rothschild. Non, non, enfin, tout de même, il faut être droit dans la vie. Si ce petit se marie tout de suite et qu'ils aient des enfants, il leur faut de l'argent, tout de même. Ah, s'ils ont des enfants, je leur servirai une petite rente tant que j'aurai mon bar à la poissonnerie. Bon. Ben, et vous, qu'est-ce que vous y donnerez? Ben, moi, il continuera à m'aider au bar. Enfin, je sais que je m'en tire, tu sais. Et puis j'ai l'argent ici à la place. Hein. Oh. Oui, et puis je sais pas, moi, je donnerais 1500 francs par mois. Oh non, dites César, c'est pas assez. Hein? Faudrait que vous y donniez un peu plus. Et ma belle, qu'est-ce que vous voulez que j'y donne? Ben, faudrait y donner. Honorine voit tout à coup entrer Marius dans le dos de César. Deux belles tranches de fiela et une rascasse de 2 kilos qui remue encore la queue. Quelques fioux pelants, quelques galinettes et quelques belles pavouilles. Oui, mais faut plus boire, ça vous fait du mal. Faut pas boire, comme ça. Oui. Il lui prend son verre, va le déposer sur le comptoir et découvre enfin Marius. Trouve-moi. Moi, j'aime moins de la langouste. Tu commandes une bouillabaisse? Oui. Oui. Allez, une belle bouillabaisse. Tu arrives le soir, tu sais? Oui. Alors, c'est entendu, Dorine, nous ne reparlerons de ça demain matin, allez. Le plus tôt possible, parce que cette bouillabaisse-là, ça n'attend pas. Allez, je vais prendre mon train. C'est ça. Adieu, César. Adieu, Marius. Honorine. Honorine sort. César baille et se tourne vers son fils. Où as-tu été ce soir? Je suis allé faire une petite partie de billard à la brasserie suisse. La brasserie suisse, hein? Et alors? Avec des amis, hein? Ouais. Je suis persuadé que c'est pas vrai, tu sais. Et que tu as été. Dieu sait où, hein. Ça n'a pas d'importance, hein. J'ai des choses plus importantes à te dire. Quelle chose? Dis donc. Oh. Un jour ou l'autre, il va falloir que tu te maries, toi. Moi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est normal, quoi. Et puis dans un commerce, c'est nécessaire. J'ai décidé à ne jamais prendre de femme. Tu sais, j'y ai pas encore pensé. Ce sera peut-être le moment d'y penser. Pourquoi? Parce que il y a Fanny, ce qui a demandé Fanny. Ouais, ça je le sais, mais je vois pas bien le rapport. Oh, alors surtout, Marius ne me prend pas pour un imbécile, hein. Quoi? Je t'ai dit, surtout, ne me prends pas pour un imbécile. Je sais très bien que tu es amoureux de Fanny, là. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est mon petit doigt. Eh ben, il est pas malin, ton petit doigt. Oh, que si qu'il est malin. Oh, que si qu'il est malin. Des amoureux de famille. Et la preuve, c'est que hier, tu t'es jeté sur Panisse comme une bête fave. Et que si on vous avait pas séparé, tu l'étranglais. Ils sont morts, le pauvre vieux. Oui, ne rit pas. Il te cherche partout. Il a mis les souliers vers lui. Nous nous sommes simplement disputés à propos de... à propos de je sais pas quoi, même. Ah oui, moi je le sais. Moi, c'est à propos de famille. Voilà. Oui, tu voulais supprimer un rival. Ah non. Il n'y a pas d'allondon, viens ici. Tu ne comprends pas, du bourreau. Fadar, que tu as une autre façon de le supprimer, ce rival. C'est en demandant la main de Fanny. Tu crois qu'elle a cette œil? Ça va. Tu en as parlé à sa mère? Non, je n'en ai pas parlé. Je parle jamais, moi. Seulement, je crois qu'elle dirait oui, quoi, la petite Fanny. Oh? Oui, peut-être. Hein. Ouais. Seulement, moi, je n'y tiens pas. Pourquoi? J'ai envie de me marier, je sais pas si je vais m'asseoir pour ça. Le marier, c'est déjà mon cœur. Pourquoi? Parce que tu mens. Moi, je mens? Qu'est-ce que c'est? Je te dis que tu mens. Tu es amoureux de Fanny, et tu es fou de rage de voir que l'autre va te la prendre, et tu refuses de l'épouser. Tu deviens insupportable, tu sais, Marius. Écoute, Marius, si tu es fou, dis-le franchement. Je t'envoie à l'asile et on n'en parle plus, hein. Mais si tu n'es pas fou et que tu es confiance en ton père, dis-moi la vérité. Il y a une femme là-dessous. Allez, parle. Allez, je vous parle. Eh bien oui, là. Yes. Écoute, ça me gêne de te parler de ces choses. Et moi aussi, ça me gêne horriblement. Mais ça me gêne encore plus de te voir idiot. Et je voudrais vraiment savoir pourquoi. Tu peux pas l'aimer cette femme vu que tu aimes Fanny. J'ai peut-être pitié d'elle. Et c'est la pitié qui te rend idiot. Écoute, Marie, je te fous une bouffe, mais fais-toi, tu sais. Ah, là, puisque tu y tiens, je vais tout te dire. C'est une femme que j'ai aimée, qui m'aime beaucoup. Et alors, si je lui dis que je me marie, elle souffrira. Et elle se suicidera, peut-être. Oh, pas de blague. Et il faut me laisser un peu de temps pour la préparer à cette idée, mais tu vois, en somme, c'est très simple. Ça rien, pas non plus. Je te demande pas de me dire son nom, tu me le dirais pas, non? Mais dis-moi que c'est pas Madame Scarfigue. Non, ça n'est pas elle. Non, mais tu en es sûr. Et alors? Fais attention, hein, Marius. Parce que Monsieur Scarfigue, c'est un ami. C'est même le client. Alors, ne t'amuse pas avec les femmes des clients, voyons. Et... ça va bien. Ça ne parle plus. Alors, Fanny, mais qu'est-ce que vous en faisons de Fanny? Attendant. Donne-moi la caisse. Et si elle accepte Fanny, ça. Mais elle acceptera Fanny. Acceptera pas. Et si elle accepte. Et si elle accepte, alors ma foi, tant pis. On commence pas encore à dire des bêtises, hein. Pas tant pis. Et il faudra reparler demain matin. Demain matin. Et oui, demain matin. Moi, je sens que je vais y réfléchir toute la nuit. César a pris la caisse et va vers l'escalier qui mène à sa chambre. Tu bailles beaucoup pour un homme qui va réfléchir. Allez, bonsoir. Bonsoir. Papa, je t'aime bien, tu sais. Je t'aime bien. Mais moi aussi. Pourquoi on a dit tout ça? Hein? Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, hein, que tu te fais du souci à cause de moi, alors... ça me fait penser que je t'aime bien. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Mon fils. Il l'embrasse sur le front. Mais tu t'es. Des fois, je dis que tu m'empoisonnes en existence. C'est pas vrai. Il monte l'escalier et entre dans sa chambre. Marius, ému et pensif, continue à mettre de l'ordre. Il va replier les chaises de la terrasse, puis il regarde de tous côtés comme s'il attendait quelqu'un. Enfin, il ferme la devanture du bar et commence à lancer des poignées de sciure sur les carreaux. On frappe soudain au volet. Marius s'élance. Tiens. C'est moi. Il paraît déçu, mais il ouvre la petite porte. Fanny entre. Fanny. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas grand-chose. Tout à l'heure, en fermant l'éventaire, j'avais laissé la clé après le cadenas. Alors je suis venue la chercher. J'ai vu de la lumière par la fenêtre de la porte, alors j'ai frappé, voilà tout. T'as bien fait. Puis aussi, je voulais te dire, j'ai suivi ton conseil. Quel conseil? J'ai refusé de panier. Je ne sais pas si tu as eu raison. C'est toi qui m'as conseillé de le faire. Oui, mais je trouve que tu as été un peu vite. Et moi, peut-être, j'aurais mieux fait de me taire et de ne pas prendre une pareille responsabilité. Écoute, Fanny, mon père n'est pas encore couché, il pourrait descendre. À demain. Oh, c'est bien. Je m'en vais puisque tu me mets à la porte. Mais non, je te mets pas à la porte. Que Fanny ne me quitte pas fâchée, hein? Entre 5 minutes, hein? Assieds-toi, hein? Écoute, Fanny, je voulais te parler de ce mariage, hein? Mais alors, je voulais t'en parler comme un frère. Mais tu n'es pas mon frère. En tout cas, moi, je te considère comme ma soeur. Mais moi, je ne veux pas être ta soeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Fanny, hein? Mais c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Non, non. Maintenant que tu me l'as fait dire, sois moi assez poli pour ne pas me regarder. Non, il fallait pas me le dire, Fanny. Mais tu ne m'aimes pas, toi. Mais oui, Marius, tu m'aimes. Je le sais. Dis-le-moi. Je te l'ai déjà dit, je peux pas me marier. Pourquoi? Parce que tu es une maîtresse. Oh, tu devrais bien me l'avouer tout de suite. Pour un garçon, ça n'est pas une honte. J'ai déjà demandé à la fille du café de la Régence. Qu'est-ce que tu as demandé? Si elle était ta bonne amie. Qu'est-ce qu'elle va penser de toi maintenant? Oh, ce qu'elle voudra, ça m'est bien égal. Et maintenant, tu sais, je vais surveiller nuit et jour. Et je finirai bien par savoir qui c'est. J'allais faire ça. Allons donc. Il y a sûrement une femme dans ta vie. Une femme qui te tient d'une façon ou d'une autre. Et comment? Tu vas peut-être donner un enfant. Mais réponds-moi, Marius, tu as un enfant. C'est ça. Je peux pas te dire que c'est ça, puisque c'est pas ça, dit. Alors, c'est simplement parce que tu ne veux pas de moi. Pourquoi? C'est à cause de ma tante Zoé que tu as honte de m'épouser. Si je me mariais, je me marierais avec toi. Mais maintenant, elle ne me pose plus de questions. Marieux! Oh! Avec qui tu parles? Je parle avec personne, je finis mon travail. Oh, tout seul, en présent. Tu es somnambule? Va te coucher, hein, Fada! Oui! Marius! Oh! Jette un coup d'œil sur le troisième tonneau de bière. J'ai peur de pas bien avoir fermé le robinet. Bon, je vais voir. Oh. Nous reparlerons de tout ça demain matin. Dis-moi ton secret. Si je te le disais, peut-être tu le comprendrais pas et peut-être tu me trahirais, hein? Moi? Te trahir? Mais Marius... Je vais te le dire. Je veux partir. Partir? Ouais. Et pour aller où? N'importe où, mais très loin. Partir. Mais c'est ton père qui te rend malheureux. Oh non. Alors qui t'oblige à partir? Mais une envie. Tu veux m'emmener avec toi? Mais je ne peux pas t'emmener. C'est sur le bateau que tu veux aller? Et alors? C'est Piquoiseau qui t'a monté la tête. Piquoiseau? Puis quoi, ça y est pour rien, il y a longtemps que cette envie m'a pris, va, tu penses? Un soir, devant le bar, là, hein, un voilier, c'est un mari. C'était un trois mâts. Il ramenait du bois des Antilles, tu sais, du bois noir dehors. Et doré dedans, du bois qui sentait le camphre et le poivre. Il venait d'un archipel qui s'appelait les îles sous le vent. Je bavardais avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Ils m'ont parlé de leur pays, naturellement. Ils m'ont donné à boire du rhum de là-bas qui était très doux. C'était très poivré. Et puis un soir, ils sont partis. Alors moi, je suis allé sur la jetée. Hein. J'ai regardé ce Botrama qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. Il est allé aux îles sous le vent. C'est ce jour-là que ça m'a pris. Tu veux une femme sur ce bateau et c'est elle que tu veux revoir. Tu vois bien que tu peux pas me comprendre. Ce sont ces îles que tu veux connaître. Les îles sous le vent. J'aimerais mieux ne jamais y aller. Pour qu'elles restent comme je les ai faites. Non, j'ai envie d'ailleurs. C'est une chose bête, si tu veux, c'est une pensée qui ne peut pas s'expliquer. Mais c'est ça qu'il faut dire. J'ai envie d'ailleurs. C'est pour cette envie que tu veux me quitter? Ouais. Allez, maintenant que je te l'ai dit, va-t'en. Il la raccompagne jusqu'à la porte. Vas-y, Marius. Il me semble que si je m'en vais maintenant, je ne te reverrai plus jamais. Eh oui, tu me verras ici demain matin. Marius, tu pars cette nuit. Oui, peut-être. J'attends qu'on vienne m'appeler. Marius, je t'en supplie, ne t'en va pas. Mais je t'en supplie, Marius. Mais tu partiras sur un autre bateau. Un autre jour. Marius, tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas? Eh bien, tu sais, si je t'aimais pas, il y a longtemps que je serais parti. Maintenant, j'ai réfléchi. Il faut que je parte. Mais pourquoi? Pourquoi tu comprends pas, allez? Quand je vais sur la jetée, que je regarde le bout du ciel, hein? Je suis déjà de l'autre côté. Quand je vois un bateau sur la mer, je sens qu'il me tire comme avec une corde. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais. Je suis comme fou. Et je vais t'expliquer. Quand nous sommes montés sur le transbordeur, tu te rappelles? Eh bien, tu voulais pas regarder en bas, tu avais le vertige. Il te semblait que tu allais tomber, mais moi, c'est la même chose. Quand je vois un bateau qui s'en va, là, je tombe vers lui. Il y a des moments que c'est plus moi qui commande. Alors je peux pas me charger de ton bonheur. On vit qu'une fois, tu sais. Et si je te la gâche, ta vie? Si tu pars pour toujours, ma vie est perdue. Mais non. Tu es bien jeune, Vaille. Tu m'oublieras. T'oublier? Moi? C'est impossible, Marius. Moi, je t'ai toujours aimé. Toute petite, quand j'avais encore mes traits. Quand tu es parti soldat, j'ai compté les jours. Et c'est pour te plaire que j'ai appris à coudre. Pour qu'à chaque permission, tu me vois dans une robe nouvelle. Ah, si tu parlais d'une fille devant moi, je pleurais, je devenais tonte ou pas, je lui souhaitais la mort. Allez. Et quand je pensais à l'avenir, c'est toi que je voyais près de moi. Depuis des années, j'attendais d'être grande pour devenir sa femme. Chaque matin, je me disais, aujourd'hui, il me parlera. J'ai tout essayé pour que tu me parles. Et aujourd'hui que tu me parles, c'est pour me dire que tu m'aimes et que tu t'offres. On a frappé. Non. Marius, toujours. Toujours, Marius. Écoute, si tu voyais qu'on m'amène avec tes menottes, tu pleurerais pas pour pas m'enlever mon courage. Alors laisse-moi partir, oublie-moi. Hein. Jamais, jamais. Marius, je t'attendrai. Ne m'attends pas, je repars. Marius. Marius. Non, Marius, ne réponds pas. Ne réponds pas. Marius, si tu pars, je me jette à la mer. Le corps s'est rentré. Il est rempli. Marie, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, Marie. Non, Maurice, mon petit, ne sois pas triste, va. Mais ne pleure pas. Tu verras, je t'aimerai tant que je finirai bien par te guérir. Mais va, Marie. Maintenant, c'est fini, je te carterai. Sur le quai, une équipe de dockers qui sont de joyeuse humeur frappe violemment au volet. Allez. Patron, t'es couché, tu peux pas me donner un bouteille de rhum pour moi? T'es pas couché. À quoi la lumière, faut pas attendre la complexité. Oui. Hé, hey, patron. Oui. Hé, patron. Oh, là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça, là-haut? Un bouteille de rhum pour nous. Et y a pas de rhum, c'est fermé, allez vous coucher, allez, ça c'est bien. Pas de bêtises, hein. Ça va, allez, c'est pas mal, on va pas, ça va bien. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça Oh, mon père les a dit. César, dans une chemise de nuit qui flotte sur ses genoux, descend l'escalier. Marius entraîne Fanny dans sa chambre et referme la porte sans bruit. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit bruit? Marius! Un mois se passe et la vie continue. Nous entrons un soir vers 9h dans le bar de la marine où se déroule une dure partie de manie aux enchères. César a pour partenaire Escartefigue et pour adversaire Panis et M. Brun. Nous arrivons au milieu d'un long silence. Escartefigue perplexe se gratte la tête en regardant ses cartes. Panis s'impatiente. Eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Ben non, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous combien nous avons? Nous allons en 34. Oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Ne te gêne plus. Ne te gêne plus, mon tolito, je pendant que tu y es. J'ai rien dit, j'ai pas donné de renseignements. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment, je me demande toujours si Panis se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Il a raison, t'as pas besoin de parler. César commence à faire des clins d'yeux à l'adresse d'Escartefigue qui ne comprend pas. Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. César, du bout de l'index, trace une ligne sur son propre cœur. L'escartefigue ne le voit pas et Panis se l'aperçoit. Alors, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne me fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces, hein. Tenez, monsieur Brun, surveillez Escartefigue, moi je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Il regarde fixement Escartefigue qui ne comprend pas. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien! T'es cœur! Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu! Il jette ses cartes sur la table et se lève. Tiens, tiens, et voilà tes cartes, hypocrite, tricheur! Je ne joue pas avec un grain! Si on ne peut pas tu ça, faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître Panis, et si c'est pas pompier par Maganda, tu me prends le cœur. Je ne vais pas rejoindre ce là alors. Tu me prends le cœur. Il sort. Oh. Il a pas l'air content. Ah non. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Mais attends, monsieur Brun, voilà. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Alors, ouais, oui, et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Non, mais là, sans le caractère, il a un caractère impossible. Non, non. La petite Fanny, qui a fermé son inventaire, vient dire bonsoir avant de partir. Bonsoir, monsieur César. Oh, bonsoir, petite, tu vas bien te coucher? Oh non, je vais aller jusqu'à la gare accompagner ma mère. Ah, tu vas accompagner ta mère à la gare? Je vais le voir, petite. Bonsoir, messieurs. Adieu, adieu, Fanny. Adieu. Ah. Allez, jour, on boit la dernière. Et on fait le tour de la manie aux enchères pour savoir qui paye les consommations. Allez, ça va. Marius sort de sa chambre. Il est très élégamment habillé. Ça va, papa? Oh, bonsoir, petit. Tu vas faire un tour? Eh oui, je vais faire un petit tour au cinéma. Eh, tu as de l'argent? C'est ce qu'ils me font. Eh? Viens ici. Oh. Il est un peu si bien habillé, hein? Oh, pardon. Il marque bien, hein? Il marque mieux que vous, quand même. Non, vous fâchez pas. Il marque bien. de nos papillons, elle. Non. Allez, rentre pas trop tard. Minuit, une heure. On va pas plus tard, hein. Minuit, une heure. Bon, sois sage. Oui. Marius. Oui. Sois sage. Oui. Si elle savait où il va, Marius, la petite Fanny, elle se ferait de la bile, vous savez. Ah bah, pourquoi? Parce que monsieur va voir sa maîtresse, sa vieille maîtresse. Oh, que brigade. Monsieur va passer la nuit en ville. Qu'en savez-vous? Non, frère, il fait le tour par la petite rue, il rentre par la fenêtre de sa chambre, et il vient fermer la porte de sa chambre à clé à l'intérieur. Et pourquoi faire? Un gros malin, c'est moi qui le réveille le matin. Si la porte est fermée à clé, je crois qu'il dort. Je peux pas le vrai fier. C'est pas bête, ça. Ah, oh, me dites, il est intelligent, mon fils, pardon. C'est le moment non plus, je suis pas bête, vous savez, parce que moi aussi, j'ai fait le tour par la petite rue et j'ai regardé par la fenêtre. Alors depuis, je dis rien, mais je m'amuse à le surveiller. Dis, César. Oh. Et qui est-ce, la maîtresse de Marius? Oh, j'en sais rien, nous en avons parlé qu'une fois, vaguement, j'ai pas insisté, tu comprends. C'est des choses délicates, ça. Il est grand, ce petit. Oh. Seulement moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi? Ben parce qu'il va passer toute la nuit chez elle. Ça prouve que le mari ne rentre pas tous les soirs. 35. 36. 37. Et 37? Oui. Et puis tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus, 40. C'est bon? Comment? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. 40! Tu n'entends pas? 40! Escartevic se lève brusquement et remet sa vareuse sans dire un mot. Tu as froid, tu mets la veste, toi? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine. Oh, je t'ai fait de la peine et je te demande pardon, mon vieux. À qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? Et à tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant? Oh, je t'en prie, Félix, ne te fâche pas, alors, voyons. Je sais bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, ça c'est pas un mystère. Monsieur Breuil ne le savait pas. Et c'est lui qui me l'a dit. Ouais. Eh bien, que je sois cocu, ça te regarde pas. Mais je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de prononcer, je ne puis plus faire la partie avec toi. Non, mais écoute, Félix. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses. Allez, bonsoir, monsieur Breuil. Allô, capitaine. Mais non. Tu veux des excuses? Eh bien, je te les fais tout de suite. Non. J'exige des excuses réfléchies. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Écoute, Félix, ne sois pas bête par-dessus le marché, l'envoyant. Mais ce n'est pas mal en l'air, ça. Moi, j'ai pas l'intention d'insulter la marine française. Mais je l'admire, la marine française, je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française. Oh, oui, oh. Mais la marine française te dit merde. Il sort. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et alors, c'est pas gentil ce qu'ils vous ont fait, moi, je vous le dis, vous savez. À moi? Oui, à vous. Quoi? Ils se sont arrangés pour vous laisser les consommations. Pardon, pour nous laisser les consommations. Comment nous laisser? Ah. Ah oui, c'est vrai, nous jouions ensemble. Bah, mais... Oui. Eh bien, je vous ai fait l'écarté. Il est bien tard, j'ai pas entendu. Oh, c'est vite fait l'écarté. Nous n'avons jamais joué à l'écarté ensemble tous les deux. Allez, venez, asseyez-vous, monsieur Bois. Asseyez-vous, monsieur Bois. Allez, César bat les cartes et les donne. Ah, monsieur Bois, je tourne le roi. Et là voilà, salué. Le roi? Encore? Ah oui, à moi je tourne le roi à tous les coups, monsieur Brun. Ça pourrait sembler singulier. Oh, c'est pas singulier, mais c'est difficile, vous savez, alors. Ah oui. Alors, vous avouez que vous trichez? Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier. Voilà. Dans ces conditions-là, moi j'aime mieux payer les consommations tout de suite. Eh bien, si vous voulez, ça, c'est une bonne idée. Non, mais ça fait 2, 4, 6, 8, 12, 24 francs, monsieur Brun. 24 francs, voilà. Voilà. Au revoir, monsieur Boin. Alors, voilà. Au revoir. À demain. À demain. Bon appétit. Oui, bon, merci. Au revoir, monsieur Boin. Il sort sur la terrasse et crie vers monsieur Brun qui s'éloigne. Monsieur Brun. Oui. Oh, ne le dites pas que c'est un petit cocu. Ça pourrait se répéter. Au revoir, monsieur Brun. À demain. Sur le quai à peine éclairé, Fanny et Marius sont en promenade sentimentale. Picoiseau les suit un moment, puis s'avance. Marius! Marius n'est pas là! Il y a Fanny! Marius! Marius, je voulais te parler. Eh bien, parler? Marius n'a pas de secret pour moi. Ah, mais moi j'en ai. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le devant moi, sinon allez-vous-en. Bon, je m'excuse. Donc, je vais me coucher devant la porte du bar. Et je te verrai quand tu rentreras, hein. Bon. Bonsoir, les amoureuses. Bonsoir. C'est embêtant, hein? Il va voir que je rentre pas coucher à la maison. Il vaudrait mieux que je le rattrape tout de suite pour nous en débarrasser, hein? Mais tu me répéteras tout! Oui, bien sûr. Alors détache-toi, je t'attends. Marius s'éloigne. Fanny attend pensive et inquiète. Sur le quai, Marius et Picoiseau ont rejoint le quartier maître de la Malaisie, qui n'a pas l'air content. Il en a depuis 4 mois que je traîne ici à l'intendant d'appareillage. Tu m'en as raconté des boniments. Tu disais, ah, si quelqu'un pouvait me faire embarquer, alors moi, tout à l'heure, quand on a transporté le bonhomme à l'hôpital, tout de suite, j'ai dit au second, j'ai en remplaçant tout ce qu'il y a de bien, et je lui ai donné tes papiers. Et maintenant, tu te dégonfles ? Enfin, c'est ton droit. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Fanny s'est approchée en se cachant derrière des piles de sacs. Elle écoute la conversation. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que ce soit franc. Et à l'avenir, je me méfierai. Il me faut plus de courage pour rester que pour partir, vide. Il ne faut pas un grand courage pour prendre les bouteilles au goulot. Il manque la plus belle occasion de sa vie. Et je parie 2 mois de solde que c'est de ta faute d'une femme. C'est Fanny. La quantité des coquillages? Oui. Il y en a pas mal. Mais tu sais, il y en a des femmes sur toute la terre. Oh là là, tu es donc tellement mordu. J'ai plus le droit de partir. Hein. Mais pourquoi? C'est une honnête fille. Tu sais, j'en connais beaucoup qui s'embarrassent en guerre d'une histoire pareille. Enfin, c'est une affaire de conscience. En tout cas, tu as fait une fameuse bêtise et tu le regretteras. Jamais plus que maintenant, hein. Mais regarde-le, il a une envie qu'il crève. Ah oui, c'est vrai, ça. Je me fais mal aux côtes. Mais qui en a voulu dire j'ai envie, j'ai envie. Si on faisait toujours ce qu'on a envie, ce serait trop facile. Allez, chef, ne me parlez plus de tout ça. Ça me fait mal et ça ne sert à rien. Enfin, ça va. Je vais offrir la place à Chevalier qui est débarqué depuis 3 mois. Marius s'éloigne, la tête basse, et le quartier maître le regarde partir. Voilà un garçon qui va pleurer toute la nuit. Et où c'est qu'on va trouver le Chevalier maintenant? Fanny surgit brusquement. Monsieur, attendez. N'allez chercher personne. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Il pleurait souvent la nuit. Est-ce que vous le pensez vraiment? Écoutez-moi, mademoiselle. Il est certain que ce garçon ne sera pas toujours très heureux. Est-ce que vous ne pourriez pas attendre jusqu'à demain pour lui trouver un remplaçant? Pourquoi? Il partira peut-être. Même si vous le permettez, il refusera maintenant. Venez au bar demain matin vers 6h. Mais ne lui dites pas que vous m'avez vu. Ne lui dites rien. Au loin, Marius appelle. Fanny! Eh, vous avez dit! Oh, Fanny! Ça fait peur où j'étais passé. Qu'est-ce qu'il se voulait, Picoiseau? Hein? Picoiseau? Ah, oh, il voulait 100 sous. Je les lui ai donné naturellement. Tu n'aimeras jamais une autre femme autant que moi. Mais non, petite, tu le sais bien. Une autre femme, jamais. Il est maintenant 9h du matin dans le bar de la marine. César frappe en vain à la porte de la chambre de son fils. Aïe ! Bon aïe ! Oh ! Marius ! Je dis que tu as pitié d'elle. Et depuis hier en 8h, tu as eu le temps d'avoir pitié, tu sais. Et à 9h du matin, tu ferais mieux d'avoir pitié de ton père qui peut plus ouvrir les yeux. Honorine entre brusquement. Elle paraît vivement émue. Elle brandit une ceinture de cuir. César! Hein? César! Où? Oh! Tenez! Regardez ça! Vous reconnaissez cette ceinture? Elle jette la ceinture sur la table. C'est un Marius, il y a eu un accident? Ça risque pas qu'il lui arrive rien à ce voyou. Encore, j'aime mieux que ce soit lui qu'un autre. Avec César, il faut les marier tout de suite. Asseyez-vous, Maria, ne pleurez pas comme ça. Asseyez-vous, qu'est-ce qu'il y a là? Oh mon Dieu, quelle surprise! Figurez-vous qu'hier, j'étais partie à Aix comme tous les mercredis. Comment, vous allez à Aix tous les mercredis, vous? Eh bien oui, chez ma sœur. Oui, aïe, aïe. Et au lieu de revenir par le train de 7 heures, je suis revenue avec l'automobile de Monsieur Amour de Dieu que j'avais rencontré sur le course. J'arrive à la maison, j'entre. Sur la table, qu'est-ce que je vois? Deux petits verres, une bouteille de liqueur, et sur une chaise, c'est de cette sûre. Oui. J'aurais jamais pensé à ça, vous savez. Enfin, quand même, une ceinture, ça ne veut rien dire, et puis... Ah, dès que je vois ça, ça ne fait qu'un tour. Je vais tout droit à la chambre de Fanny, j'ouvre la porte, un brigand sort. Oh, sainte mère de Dieu, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai eu tellement honte, tellement honte. Je suis partie sans faire de bruit. Alors là, Marius, tu exagères en présent. C'est un polisson, vous savez, un polisson. Elle a 18 ans, César, 18 ans. Elle finira comme sa tante Zoé. Vous n'avez pas honte de parler comme ça de votre enfant, dites-elle. Alors vous m'encouragez bien à donner mon consentement, hein. Ah, ne pleurez pas, Norine, oui. Pleurez pas, Norine, on va ranger ça. Et si vous voulez, il vaut mieux que ce soit ça que si elle s'était cassée la jambe tout de même. Mais enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu croire une chose pareille, dites? Une petite sainte mitouche qui faisait la pudeur, qui faisait l'enfant. Mais pourvu qu'elle ne le fasse pas pour de bon à présent. Et vous avez le courage de rire, dites gros sans cœur. Mais vous ne savez pas que c'est affreux ce qui se passe pour moi, que je claque des dents, que je suis toute estrancinée. Qu'est-ce que je vous offre? Je prendrai un mandarin citron. Non. Il l'a conduite au comptoir. Évidemment, c'est embêtant, mais enfin dans la vie, il n'y a pas que des amusements, vous savez. Tout s'arrange, allez. Ne pleurez pas dans les croissants, hein, vous me ferez plaisir, pardon. Pardon, allez-moi un peu ça. Alors? Il essuie avec un torchon les croissants trempés de larmes. T'es buvé un coup, là. Examinons la situation. Ah, la situation, elle est toute simple. Dès que je vois ma fille d'un pastisson, j'y coupe la figure en deux. Oh, vous n'avez pas la tuer pour ça, non? Non. Elle se lève brusquement au comble de la rage. Un coup de baron, mais... Un coup de baron, mais laissez-moi, César, laissez-moi, oui, je ne me connais plus, et les filles, je ne me connais plus. Vous avez fini, asseyez-vous, vous avez fini, oui. C'est fini maintenant, ça, c'est fini, oui. Allez, le fils, surtout le pas ce qui vous arrive. Et puis pensez un peu à vous, alors. Donnez le temps de penser à moi. Et ce serait le moment d'y penser. Si votre mère vous avait tué à coup de barre il y a 25 ans quand vous étiez fiancé avec le pauvre frisé. Pardon, c'était pas la même chose. Non. Non, non, c'était pas la même chose. D'abord, nous habitions sur le même palier. Il n'y avait que le couloir à traverser. Et puis c'est moi que j'allais chez lui. Tandis que votre Marius. Bien fait. Elle ne savait pas que ça s'était déjà fait dans la famille. Et ne pleurez pas comme ça que c'est mauvais pour la santé, alors. Ah, j'aime pour les poires, ce Marius. Ah, quel salaud qui veut dire à Lousta ou comme vous n'aime pas. Bien ouais. Sûr, il a prise de force. Oh, elle n'a pas dû crier bien fort, vous savez. Allez, Norine, il ne pleurait pas. On va les marier, puis... Puis elle n'en parlera plus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la jeunesse. Ça s'en va vite, ok? Je ne vous dis pas, mais tout de même. Eh, ma pauvre Norine, la jeunesse. Ça s'en va vite et ça ne revient pas, vous savez. On entend dans la chambre de Marius le bruit d'un seau sur le plancher. Monsieur Marius, maintenant il rentre par la fenêtre et hop, qui dit, moi j'aime mieux ça. Je ne peux pas le voir, hein, oui. Parce que dans l'état où je suis, je le graffine. Elle se retire précipitamment. César l'accompagne jusque sur la terrasse et il regarde un moment les marins qui travaillent dans le gréement de la Malaisie. Sortez le musée! Sortez! Norine est rentrée chez elle, où elle a retrouvé Fanny qui pleure sur son lit. Tu peux pleurer après ce que tu as fait, fille perdue. Je suis venue ce matin à 7h à la maison, tu m'as compris? Maman, je te demande pardon. Non, je ne te pardonne pas, parce que tu n'es pas pardonnable. Oh, toi, ma fille, faire une chose pareille. Mais enfin, c'était pas plus simple et plus convenable de vous marier d'abord, puisque tout le monde était d'accord. Tu as fait ça par vice, comme ma pauvre. Non, maman, non, par vice! Puisque tu pouvais le faire honnêtement. Ah, il a voulu te voir dormir. Eh bien, qu'il t'épouse maintenant. Il faut qu'il te demande avant midi, tu as compris? Tu peux le dire à ton Marius qui se dépêche, sinon gare à lui. Je n'ai jamais touché un revolver de ma vie, mais je te garantis que j'aurais vite fait d'apprendre. Et puis, Nantais, c'est moi que je vais aller lui parler. Non, maman, n'y va pas, je t'en supplie, tu ne sais rien, tu ne peux pas comprendre. S'il le dit, ce n'est pas la peine que tu reviennes à la maison. Je ne veux plus te voir, tu n'es plus ma fille. Je m'enferme ma clé dans ma chambre. Et je me laisse mourir de larmes. Maman, ne pleure pas, je t'en supplie. Dans le bar, César déjeune paisiblement. Il mange des olives dont il lance les noyaux n'importe où. La porte de la chambre s'ouvre et Marius s'avance, les cheveux savamment ébouriffés et l'œil vague comme quelqu'un qui a de la peine à s'éveiller. Bonjour, hein? Oh, tu te réveilles, petit? Quelle heure il est, papa? Il est 9 heures passées. 9 heures passées? Eh oui. Oh, coquine de sang! J'ai lu ça dans mon livre, j'ai lu un peu tard, alors que je me suis endormi. Le jour, il s'est levé. Je te l'ai dit plus de 20 fois, tu as tort de lire aussi tard dans ton lit. Ça te fait du mal de lire comme ça, tu sais. Tu n'as pas bonne mine, hein? Tu es pâle, tu as les yeux battus. Tu trouves? Ah, oui. Tu dois lire un livre qui te fatigue, toi. Si je t'avais pas vu sortir de ta chambre, je me demanderais d'où tu venais. Dis, tu m'as pas appelé à 7 heures? Oui. 7 heures moins quelque chose. Je t'ai appelé, seulement tu as continué à dormir. On t'entendait ronfler d'ici. Eh ben alors là, c'est pas possible. Pourquoi? Et parce que je ronfle jamais. Et tu ronflais si fort que tous les clients rigolaient dans le bar. J'ai voulu te réveiller seulement tu avais fermé la porte à clé. Ah oui, je viens de m'apercevoir, j'avais dû tourner la clé machine à la main. Machine à la main. Mais prends le café, hein, les croissants sont chauds. On va déjeuner. Il va au percolateur, remplit un bol de café et prend deux croissants dans la corbeille du comptoir. Puis il revient vers la table de César. On dirait que tu perds ton pantalon. Tu crois, lui? C'est l'impression. J'ai peut-être maigri, alors. Tu lis trop. Si tu continues à lire comme ça, tu vas devenir maigre comme un stockfish. Hein? Pourquoi tu mets pas une ceinture? Eh oui, tu as raison, je vais en acheter une. Et alors? C'est simple, ça. Sacre Marius, là. César le regarde en riant. Tu as bon appétit, hein? Ça a pas mal. Ouais. La lecture t'a causé, quoi. Ah, sacré Marius, là. Dis donc, oh, ta vieille maîtresse, là, tu sais, hein, celle que tu gardais par pitié, va suicider, quoi. Tu la vois toujours? Naturellement. Non, tu la vois toujours? Et alors? Mais tu es un gaillard redoutable, tu sais. Pourquoi? Ah, sacré Marius, là. Dis donc, tu lui as dit que tu allais te marier? Eh non, je n'ai pas encore dit, mais pardon, hein. J'ai laissé comprendre, n'est-ce pas, qu'un jour ou l'autre, forcément, elle... Ouais, en fait, tu t'expliques pas bien, mais tu te comprends, voilà. Tout ça, c'est bien gentil envers cette petite. Mais c'est moins gentil envers Fanny. Pourquoi c'est moins gentil? Pourquoi? Parce que je la ferai pas, cette petite. Yeah. Tu es décidé d'épouser? Ah oui, je suis décidé. Alors, pourquoi on n'en parlait pas aux parents? Mais c'est elle qui retarde toujours la date. Hein? Pourquoi? Je sais pas, quand je lui en parle, elle me répond toujours. Nous avons bien le temps. C'est bizarre, enfin. Oui, c'est bizarre. Et je t'assure, il y a des moments que je me demande si elle ne regrette pas Fanny. César rit à s'étouffer. Alors tu vas voir, tu sais, toi. Et elle se moque pas mal de ce pauvre vieux. Pourquoi elle retarde alors? Mais parce que c'est ta faute. C'est ma faute? Mais oui, c'est ta faute! Marius, je te connais pas encore assez bien les femmes. Mais moi, mon petit, je vais te les expliquer. Les femmes, c'est fier. Et c'est délicat. Et tu sais, On a beau ne rien leur dire, ça comprend tout, hein, ça devine tout. Ça voit tout. Cette petite comprend très bien que tu n'es pas pressé. Alors, par fierté, elle te dit, oh, nous avons bien le temps. Mais moi, je suis sûr qu'elle est languie. Et si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle sera à l'église avant le retour. Tu as peut-être raison. Oh, pas peut-être, j'ai raison. Hein. Je te dis que j'ai raison. Quand tu verras Fanny, parle-lui, hein. Mais parle-lui sérieusement. Et toi, tu ferais bien de penser à l'histoire de Zoé, qui n'était pas plus malhonnête qu'une autre. Moi, je ne vois pas quel rapport cette histoire, que d'ailleurs je ne connais pas, moi. Zoé, c'était une petite fille très jolie, très coquette, mais qui ne pensait pas à mal. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Tiens, je la vois encore quand elle passait le matin devant le bar, toute bravette, sous son grand chapeau de paille, là. Elle avait une espèce de charme. Tous les hommes la regardaient. Elle souriait à tous, mais elle restait sage comme une image. Et puis un jour, ça lui a pris pour un matelot espagnol, mais elle a cru qu'il se marierait. Elle a cru qu'il ne repartirait plus. Alors ils se sont donné un peu d'avance. Et un beau soir, il est parti. Il l'a abandonné? Oui. Alors Zoé, qu'est-ce que tu veux, mon petit, quand un homme les a trompés? Ça les dégoûte de notre nature. Et elles ne peuvent plus aimer personne. Ça devient des filles des rues. Et puis quand elles ont commencé, elles n'ont plus rien à perdre. Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Pourquoi tu me racontes ça, Lise? C'est pour te dire que Fanny, il ne faut pas t'en amuser. Tu me comprends? Oui, je te comprends. Bien entendu, je ne soupçonne pas sa vertu à cette petite, je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Mais s'il y a eu entre vous des conversations, des caresses, il faut vous marier. Et le plus vite possible. Tu entends? Bien, je vais lui en parler. Oui. Parle-lui en. Et insiste le plus que tu pourras. Parce que si tu veux mon idée, le matelot de Zoé, c'était pas un homme. César se lève et jette la ceinture sur la table devant Marius qui baisse la tête et se tait. Puis César monte lentement vers sa chambre. Marius, pensif, renonce au second croissant et réfléchit. Cependant, sur le quai, le quartier maître de la Malaisie s'avance vers le bar de la marine. Il écarte le rideau de perles, il regarde Marius, il entre. Alors, tu es prêt? Non, chef. Je vous dis hier soir. Tu n'es pas le remplaçant? Non, je croyais que tu aurais compris ce matin. Vous avez tort de revenir. Surtout pour me dire ça, hein? Non. Non, je pars pas, chef. Non, non. Je veux pas. Si tu changes d'idée, tu auras qu'à traverser le quai. Il hausse les épaules et sort. À la terrasse, il trouve Fanny qui arrose ses coquillages. Pourquoi m'avez-vous dit qu'il partirait? Maintenant, c'est moi qui suis chocolat. Il me manque un homme à bord. Il écrira tout à l'heure. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ah, les femmes. Les femmes. Il s'éloigne dans le flot des passants. Marius pleure dans sa chambre, mais il se lève brusquement parce que Fanny vient d'entrer. Fanny, appelle ta mère, il faut que nous lui parlions tout de suite, là. Tu es si pressé, Marius? Si tu m'aimes, ne perds pas une heure. Appelle ta mère. Est-ce que tu tiens vraiment beaucoup à m'épouser? Je sais, c'est grave, Marion. Je t'engage pour la vie entière. Appelle ta mère, je te dis. Tu es sûr de m'aimer assez? Il y a un bateau à quai, à gauche. Tu l'as vu, hein? C'est la Malie. Ah, je le sais. Mais j'ai une place à bord, je suis inscrit sur les rôles. Tout à l'heure, on est venu m'appeler. Je n'avais que le sac à prendre, il est prêt. Et maintenant encore, si je voulais partir, je n'aurais que le quai à traverser. Pourtant, dis-moi, je reste. Eh oui, je reste avec toi, hein? Pour combien de temps? Si tu m'aides, ce sera pour toujours. Peut-être, Marius. Mais si tu m'épouses, tu ne seras jamais heureux. Tu tiens à me donner ton nom parce que tu te crois responsable. Mais non, Marius, tu n'es responsable de rien. Et tu n'as rien demandé. C'est moi qui suis venu te chercher. Cette faute est mienne, ne t'en charge pas. Et va, Marius, suis ton désir. Ne te pousse pas vers moi. Fanny, ne me tente pas, hein. Tu n'as que le quai à traverser. Si tu m'aimes, prends-moi dans tes bras, cache mes yeux avec tes mains. Et retiens-moi de toutes tes forces. On ne souffre pas inutilement, Marius. Tu as encore le temps. Mais malheureux. Qu'est-ce que tu deviendrais si je partais? Ne t'inquiète pas pour moi, va, j'ai déjà pensé. Tu y as pensé? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Panisse? Tu as l'idée de pousser Panisse, dis? Lui ou un autre, qu'importe. Tu lui en as parlé? Finalement, tu lui en as parlé? Quand? Plusieurs fois. Alors, quand tu me disais que tu le refusais, tu mentais? Fanny. Tu sais, Marius, ce n'est pas pour moi. C'est des questions d'intérêt dans les familles. Ma mère n'est plus jeune et son travail la fatigue. Fanny. Et puis, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il y a des choses qui sont plus fortes que lui. Alors, pendant que je luttais contre mon ennemi, hein, pendant que je souffrais en silence, eux, ils arrangeaient l'affaire entre eux. Il a saisi son sac de marin, il le jette sur son épaule et sort en courant. Fanny sanglote. Lâche-moi ! Laisse-moi, lâche-moi. Tu vas, Marius ! Chacun va vers ce qu'il aime. Toi, tu épouses l'argent de Paris, et moi, j'épouse la mer. Oui. Voici que Marius revient sur ses pas. Tu restes, Marius! Dis, tu restes! Je peux pas passer, dis. Mon père est devant le bateau, il largue les amarres. Tiens, Marius! Passe par la fenêtre! Comme si tu allais à un rendez-vous d'amour. Tu feras le tour par la place de l'Ange. Pendant ce temps, moi, je garderai ton père. Non, non, Marius, ne me dis plus rien. Va-t'en, Marius, va-t'en. Il sort par la fenêtre. Sur le quai, Panis a vu passer Marius. Il court vers le bar et il trouve César qui garnit le percolateur. César! Oh! César! Marius est là-bas, devant la Malaisie. Il veut te parler. Fanny sort tout à coup de la chambre de Marius. La gare cherche mes paniers, c'est moi qui l'ai envoyé, il va revenir. César se tourne vers Panis. Qu'est-ce que tu as, toi? J'ai qu'il y a des choses qui me font trop de peine à voir. Ouvre les yeux, tu les verras. Ah, pauvre Fada, il y a longtemps que je l'ai vu. Là. Allez, ça va. Tiens, ma fichinette, viens, viens, ma belle, viens. Oh, comme tu es rose. Viens, on dirait que tu as pleuré. Hein? Peut-être. Tu as pleuré? Ah, alors Marius t'a parlé. Hein? Nous sommes d'accord? Dis. Ça m'a fait plaisir ce que tu me dis là, tu sais. Bravo petite, bravo Fanny. Dis Fanny, tu sais depuis combien j'y pense à ce mariage? J'y pense depuis... Dites-moi. Oh non, j'y pense depuis 11 ans, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis 14 ans, eh oui. Tu n'étais pas plus haute comme Paul Fleur. Puis un soir dans ce bar-là, la mère du petit t'a prise sous les bras. Elle t'a soulevé, elle t'a dit, Fanny, c'est pas vrai que tu seras la femme de Marius. Tout le monde riait dans le bar, mais toi tu es à Paris, tu sais. Tu as ouvert de grandes yeux, tu as dit oui. Et voilà, ça arrive. Ah, je suis content. Sur le quai, la Malaisie appareille. Largue à bâbord. César, tu entraînes Fanny pour regarder le départ du bateau. Allez, viens ma brouille, viens ma belle. On va faire un tour sur le port, viens. C'est bien des clients. Ils attendent moi les clients, quoi. Non. C'est pour moi. Je vais ici avec vous. Comment faire? Ils font des choses à nous dire qui nous intéressent. Des choses? Quelles choses? L'appartement, par exemple. L'appartement? Il faut que nous trouvions un appartement. Mais vous voulez habiter ici avec moi? Vous t'imaginez que je vais vivre seul comme une vieille bête, moi? Pour l'appartement, voilà mon plan. Tu as vu ma chambre, toi? Je crois pas. Tu crois pas? Ah, je te la fais voir. Viens. Et puis voilà, voilà mon idée. Viens. Viens, madame. Viens. Il monte l'escalier de bois et les voilà dans la chambre de César. Hein? Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est agréable le matin de se laisser réveiller par un petit rayon de soleil. En été, il vient jusqu'au pied du lit, là. Mais l'hiver, alors? Il monte le matin vers les 10 heures jusqu'à la hauteur de la pendule. Mmh. Et bien, comment tu la trouves, cette chambre? Elle est plus grande que celle de Marius. Oh, je comprends. Mais... Alors, j'ai pensé à une chose. Maintenant, moi, je suis vieux. Alors, j'ai plus besoin d'autant de place. Alors, moi, je vais prendre la chambre de Marius. Et puis, celle-là, ce sera la vôtre. Mmh. Mmh. Quand on a de la place, c'est plus facile de tout arranger. Voilà la cour de Dracac! Écoute, Fanny, il n'y a qu'une chose que je vais te demander. Eh bien, c'est de laisser le lit où il est. Oui. C'est là où il est né. Et c'est là qu'elle est morte. César! Oh! Qui part! Qui part! Eh bien, bon voyage! Hey, c'est la Malaisie qui s'en va. Que le bon Dieu les surveille et les protège. Et puis tu vois cette porte-là, hein? Mais ça, c'est une petite pièce qui sert à rien. Mais là, nous y mettrons, si tu veux. Et ça me fera plaisir, tu sais. Nous y mettrons un petit lit. Hein? Oui, ma belle. Un petit lit, mais tout petit, tu sais, hein? Tout petit. Hein? Hein? Fanny tombe évanouie contre sa poitrine. Il la dépose sur le lit et il se penche à la fenêtre. Marieux! Marieux! Marieux! Montre-moi la bouteille de rhum! La petite est malade! Marieux! Eh oui, ce petit, bon Dieu! Marieux! Marieux! Mais la Malaisie derrière le remorqueur viennent quitter le quai. Les gabiers courent déjà sur les vergues. Les grandes voiles blanches se déploient au soleil et elles emportent Marius de l'autre côté de la terre.